Musique de merde, tu pues la merde, t'as pas compté pas la merde. Merde, bouchard de connard, rock de bâtard, ska de crevard, putain de merde. Les hippos, le mambo, les chanteurs, pas beau. Les tambours, le glamour, les chansons d'amour. Le triangle en l'ordre, les deux ensemble. La guitare, calamar, malapa, bâtard. On t'écoute de la merde. Tu finis par devenir de la merde. Aujourd'hui, quand on chie des bâtards de hippies. Tu brûles ma canette. À la main blanche ou à la bombe atomique, il faut crever tous ces artistes. Porteur m'a frotté des bonheurs qui nous réchauffent le cœur. Bordel, musique de merde, tu pues la merde, t'as pas cru t'es pas la merde. Merde, bouchard de connard, rock de bâtard, ska de crevard, putain de ska, ska, ska, ska, ska d'oie, ska, ska pourri, ska, ska de merde, ska, ska connard de pute, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska pourri, ska, ska du pute du caca, ska, ska pourri, ska. Non, pas du ska, non, pas du ska, putain non, pas du ska, oh non. Pas la merde, merde, bossa de connard, rock de bâtard, ska de crevard, putain de anti-musique, anti-musique, anti-musique.